Chapitre 364. L'interdiction d'utiliser des récipients en or et en argent pour, par exemple, manger, boire et faire ses ablutions. 1795. Selon Salama, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui boit dans un récipient en argent ne fait que se remplir la panse du feu de l'enfer. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, ceux qui mangent ou boivent dans des récipients en argent et en or. 1796. Hudhayfa radiallahu anhu a dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a interdit de porter de la soie ou du brocard et de boire dans des récipients en or ou en argent en disant « Ceux-ci sont pour eux, les mécréants, ici-bas, et pour vous, dans l'au-delà. » Al-Bukhari et Muslim. Hudhayfa, toujours d'après Al-Bukhari et Muslim, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Ne portez ni la soie, ni le brocard. Ne buvez pas dans des récipients en or ou en argent, et ne mangez pas dans des assiettes en or et en argent. » 1797. Anas ibn Sirin rapporte « Je me trouvais avec Anas ibn Malik, radiallahu anhu, chez des Mazdéens, Majus, anciens Perses, adorateurs du feu, lorsqu'on apporta une sucrerie à base de miel, faalouzaj, dans un récipient en argent. Mais Anas ibn Malik n'en mangea pas. On demanda à l'homme de changer de récipient. Il apporta alors un grand plat en bois. Anas se mit alors à manger. » Al-Bayhaqi, avec une bonne chaîne de narrateurs.